Monsieur, vous êtes bien le commis au niveau des produits laitiers, le lait? Bon, ben écoutez, je tiens à vous dire de un, vous êtes très bien à votre place parce que vous n'êtes pas très joli, mais la beauté est intérieure. Bon. Moi, ce que je cherche, mon cher monsieur, pas très beau, pardon? Oui, effectivement, c'est un jugement que je me rétracte. Vous avez entièrement raison. C'est pas parce que vous êtes là que je vous parle, là. OK. Mais c'est. Oui, la beauté est relative. Comme la lettre. Exactement. Bon, moi, je suis ici. Oh, je vous ai vexé. Bon. Dans la vie, vous allez vivre plus de troubles que ça, mon cher monsieur, là. Il faut vous faire une carapace. Faites-vous une carapace. Ben, c'est ça. Avec des berlingots de lait. Vous travaillez dans ce milieu-là, fait que demandez à ceux-là, aux clients, de vous en amener, de boire le lait, et puis de vous ramener les berlingots vides, nettoyés bien sûr, puis vous faites une belle carapace en carton. En carton, pas en carton, en carton. Mais moi, je ne suis pas ici pour vous donner là, le plan pour vous fabriquer ce genre de dos qui va vous aider à vivre dans la vie d'une manière beaucoup plus heureuse et moins troublante. Non. Moi, je suis. Vous n'avez rien compris. Bon, mais c'est pas grave. Vous êtes le spécialiste des produits laitiers. Bon. Oui. Je me présente, Georges. Oui. Est-ce que je peux me présenter, monsieur? Oui, Georgette Plana. Oui, anciennement chanteuse. Aujourd'hui, bien, je suis devant les produits laitiers. Non, je suis encore dans la chanson. Oui. Oui, moi, j'ai des grands classiques, mon cher monsieur. Mon nom, Georgette Plana. Chanteuse de mon état. Mais voyons donc. Vous aimez pas la chanson francophone? Chanson française. Ouais, moi, je suis plutôt. Exactement. Je suis dans l'ancienne école de la chanson française. Ouais, ben, et bien sûr qu'il y a les classiques, là, Fréhel, mais moi, je suis arrivé après Fréhel. Je ne suis pas quand même vieille à ce point-là. Dans la même catégorie que Zizi Jeanne-Mère, qui était danseuse, chanteuse. Zizi Jeanne. Son plus grand succès, Mon truc en plume. Bon. C'est pas grave, monsieur. Vous êtes ignare, il n'y a aucun problème avec ça. Vous êtes dans les produits laitiers, c'est vous le professionnel. Bon. Moi, c'est pour. J'aime acheter une crème champêtre avant la tempête. Oui. Ben, est-ce que c'est mieux de l'acheter avant ou après la tempête, la crème champêtre, mon cher monsieur? Pendant. Vous voulez que je prenne mon véhicule et que je me tue sur la route? Oui, vous aimeriez bien ça. Ça en ferait une de moins. Bon, ben moi, ouais, écoutez, ce serait quand même un trou dans la chanson française. Excusez-moi, je perds mon français. Ah, mon français est mort. Bon. Ah, mais c'était mon mari. Mais, ouais, il était dans l'ombre. Hein. C'est moi qui amenais toute la lumière. Et puis, mais là, je veux pas parler de ma carrière, je veux parler de la crème champêtre. Bon, là, ici, là, je vois que vous avez deux formats, 250 ml et 500 ml. Mais là, pour me compliquer, mon cher monsieur, vous avez de la 15 et de la 35 %. À quel saint me vouer? À quel saint? Ça dépend ce que je vais en faire. Ben, écoutez, je suis j'ai acheté. Oui, ça m'arrive d'acheter. On me donne parce que je suis une vedette, là, et c'est rare que j'ouvre mon porte-monnaie, mais bon. Oui, à l'île d'Orléans. L'île d'Orléans. Félix Leclerc. René Simard. René Simard, vous ne connaissez pas trop, mais Félix Leclerc, le petit bonheur. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur la bord du fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur. Non, je fais pas d'imitation de Félix, moi, là. Mais j'ai acheté des fraises de Lille. Monsieur, ramassez-moi. Vous amenez-moi, mes frères m'ont oublié, je suis parfait, je suis malade, si vous m'accueillez point, je vais mourir pour. Pardon? Non, mais. Oui. Moi, je vis mes chansons, mon cher monsieur. Ça, c'est un talent inné. Inné. Inné, ça veut dire que tu ne l'as pas travaillé, là. Ça vient comme ça. C'est dans tes racines ou l'ADN. Oui, est-ce que je peux revenir sur ma crème champagne, 35 ou 15? Bon, moi c'est pour juste laisser la place à la fraise, mais la rendre un peu plus joyeuse avec la crème. Alors moi, je vais couper mes fraises en deux. Et si j'ai le goût d'en mettre davantage, avec la fourchette, je pourrais imbiber ma fraise de crème. Alors, est-ce que c'est 15 ou 35 %, mon cher monsieur? Non, je suis pas à la diète. Regardez-moi. Je fais de la danse classique depuis 65 ans. Je suis dans la chanson depuis 75 ans. Et puis, j'ai un succès depuis ma naissance. Mes enfants, mais ma mère était bien heureuse de m'avoir, elle. Donc, j'ai été pour elle un rayon de soleil et ça n'a pas. Dans le milieu artistique, je suis connu et reconnu. Vous voulez que je. Mon nom? Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon cher monsieur. Ouais? Je suis dans la chanson. Mais voyons, vous vous souvenez plus? Ben non, c'est pas Zézé Jeanne-Mère. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous trop pris de crème champêtre avant la tempête? Oui, mais aussi la deuxième question. Moi, c'est Georgette Plana. Oui? Georgette Plana. En tout cas, si je prends la 35, c'est sûr que ça risque de me faire engraisser un peu plus, mais c'est beau l'enrobage. Moi, j'adore quand je monte sur scène et que la lumière ne passe pas à travers mon corps. Quand elle passe à travers mon corps, bien, ça prouve que je suis maigre. Puis là, les gens vont dire, ah, oh, mon Dieu, elle va nous quitter bientôt. Elle a peut-être le cancer qu'elle essaie de chasser, de combattre. Alors, pouvez-vous me dire, mon cher monsieur, que vous devenez de plus en plus beau. Plus vous parlez, plus votre intelligence passe par-dessus votre laideur. Et ça, c'est une belle qualité, mon cher monsieur. Restez comme ça, heureux, joyeux. Exactement. Vous me conseillez la 35 avant, pendant ou après la tempête, la sauce, la crème champêtre? Ça, c'est bien en tout temps. Oh, je commence à vous aimer. Aujourd'hui, le lundi 21 octobre 2019, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Il y a un mois, jour pour jour, j'étais là, regardant deux artistes des plus extraordinaires, dans un style de musique qui me fait quelquefois un grand plaisir d'écouter. Deux légendes, ils ont mon âge. Un mois, septembre, octobre, ou septembre, octobre. Ah, ça fait 2 mois. 2 mois, ça passe vite. Non, mais j'ai été figé pendant un mois. Les oreilles me filaient autant que mon arrêt sur image du concert que j'avais eu la chance de vivre avec plein d'autres fanatiques et fous furieux. On était là. En sortant de là, si tu n'avais pas mis des bouchons, moi, je n'ai pas mis de bouchons. Puis, mon intérêt, j'avais deux principes que je voulais trépasser, dépasser, pas trépasser, parce qu'on va trépasser assez vite, Mme Thibodeau, faites-vous-en pas. Il n'y aura pas les trompettes de Jéricho. Il n'en est rien. Vous entendrez de la musique métal industrielle. Ce sera le moment. Préparez-vous. Soyez propres. Avant ce moment-là, J'amène mon filleul, parce qu'on était deux, moi puis mon René Schell. Savez-vous pourquoi je l'appelle René Schell? Parce que sa sœur a un an de différence, mais elle est plus jeune. Et lorsqu'elle était petite, elle n'était pas capable de dire René Michel, elle disait René Schell. Et depuis ce temps-là, elle avait quoi, 2-3 ans? René Schell! Et depuis ce temps-là, je l'appelle tout le temps René Schell. Mais son surnom, là, devant ses copains, c'est Ronnie! Oh, Ronnie, on va parler, mon Ronnie. On va voir un spectacle de métal industriel, mon Ronnie. Penses-tu t'en sortir vivant, mon Ronnie? Et en plus, avec ton oncle, Renald Gagné, là. Oh, rock'n'roll. Six. la chanson a coupé malgré moi. Je ne sais pas si c'est mon enregistrement à moi ou si c'est le disque qui est conçu ainsi, mais il y a eu une césure. L'avez-vous remarqué, la césure? Ouais, moi, j'étais là devant ce spectacle et je cherchais pendant cette chanson de Marilyn Manson le premier groupe qui nous ouvrait la porte à l'enfer. Donc, c'est ça, là, je cherche actuellement. Puis comme disait mon amoureux, c'était pas intelligent quand tu cherches. Ah, t'as pas l'air intelligent quand tu cherches. T'as pas l'air intelligent même quand tu parles. Non, c'est pas... Moi, jamais dit ça. Quoique, je suis pas certain. Là, on arrive, on y touche. Le premier groupe qui était dans cet imposant... Attendez un petit peu... Ah, j'espère que je l'ai placé là. Ah non, ça se peut que je l'ai pas placé là. Le 18... Nous étions là le 18... le 17... Ah, OK. Il y a des chances. Ah! Là, je vois quelque chose. Non, je ne l'ai pas indiqué. Mais peu importe. J'étais là avec mon filleul René Schell pour ses 30 ans. J'ai offert un vélo et un spectacle de Marilyn Manson et de Rob Zombie. Alors là, j'ai dit avant... On va procéder, tu sais, c'est bien, avant d'aller voir un spectacle aussi chargé, d'aller s'ouvrir l'appétit, hein, de casser la croûte. Et puis, je lui ai suggéré avec beaucoup d'enthousiasme d'aller manger de la pizza. Ah ben, il a dit oui. Surtout quand il a su que c'était à volonté. Il dit, c'est à volonté, je vais manger. Il parle pas comme sur une échelle. Ah non, non, il est très réservé. J'ai commandé pour lui. Non, c'est vrai, j'ai dit au jeune garçon, nous allons prendre deux repas à volonté. Fait qu'il n'y avait rien à dire, puisqu'on se servait nous-mêmes. Il nous donne les plats, je paye. Et là, on mange la pizza, mais il en a juste pris 4 points. Normalement, c'est un ogre. Il bouffe sur rebouffe. Lui, là, il prend 15 pizzas, il les roule, puis il mange ça d'une seule traite avec... Même pas... Il a jamais aimé la boisson gazeuse. Un enfant... Ben là, vous allez me dire, il y a 30 ans, oui, mais il a déjà été plus jeune, là. Mais enfant, il ne buvait pas de boisson gazeuse. Il n'aimait pas ça. Et là, je me suis dit... Pendant toute cette période-là, tu sais, pendant 30 ans, ben peut-être pas 30 ans, j'avais 2 ans, mais pendant au moins 25 ans, je me suis posé la question et je vous la pose. Est-ce qu'il n'aimait vraiment pas la boisson gazeuse? Ou si c'est sa mère, par son éducation, elle l'a comme amené à ne pas aimer boire ce genre d'élixir? Très sucré, même trop sucré. Puis, tu sais, j'ai réfléchi, là, ça fait 25 ans que je réfléchis à ça. Je suis plus capable de dormir. Je graffigne les murs, puis je débouche des bouteilles en me disant, quelle est la réponse? Et je m'informe devant un goulot. Je parle au goulot comme si c'était un micro, un Shure SM58. C'est pas un fusil, madame, c'est un micro. Faites-vous-en pas. Ah non, je ne tire que par des mots. Ou presque. Non, mais j'ai jamais pris de... Non, j'ai jamais pris de fusil dans mes mains. Sauf un fusil à eau. Ça, c'est en 72. Et puis, quand je suis arrivé là-bas avec mon filleul au spectacle, on nous a fouillé. Est-ce qu'on fouille davantage la personne qui a l'air louche? C'est moi. Ou celui qui est d'apparence classique? C'est lui, René Schell. Alors lui, il se fait tâter, puis ça passe. Moi, je me fais tâter. Là, ça passe pas. Pouvez-vous vider vos poches, mon cher monsieur? Ben oui, mais je vous ai... Avez-vous autre chose? Hey, j'avais un coupe-ongles. Ils m'ont retiré mon coupe-ongles parce qu'ils m'ont dit que ça pourrait être une arme. Il dit, madame, La seule arme qui flanche devant ce coupe-ongle, ben, c'est mes ongles. Et puis, c'est pas une arme, là, mais la seule chose qui peut couper. Non, elle m'indique qu'avec la pointe, on peut transpercer le corps. Là, abandonner les émissions à sensations policières et meurtrières et de tuerie. M'en va pas là pour tuer Marilyn Manson ou Rob Zombie, malala. M'en va pas là pour tuer mon employeur, il est pas là. Ça mérite. Non, mais je suis là pour avoir du plaisir, ma chère dame. Là, ça a pas fonctionné. Elle dit, qu'est-ce que vous faites? Alors, j'avais le choix. Ah non, mais j'ai toujours le choix. Tu sais, les gens, ils disent, oh, j'ai pas le choix. Moi, j'ai eu le choix. Soit que je garde mon coupon. Donc, je sors de l'établissement où on me propose le spectacle. Tu sais, quand ton billet coûte 110$ à 220$, penses-tu que tu vas quitter? Ou deuxième choix, c'est de le jeter. Ben, j'ai dit jeter-le. C'est un souvenir de Paris. Ben oui, je me suis acheté un coupon avec la Tour Eiffel dessus. J'aime ça, moi. Je l'ai jeté. La dame a dit, OK, vous pouvez passer. J'ai repris mes clés, mon cellulaire des années 90 et je me suis dirigé vers les marches avec mon filleul. Je dis à une échelle, on m'a dépouillé de mon coupe-ongle. Il m'a dit « Tonton ». Après, c'est plus rien parce qu'il m'a rien dit. Je dis « C'est grave quand même, là. J'arrive là pour écouter de la musique et non pas pour tuer, mais entre vous et moi, je peux comprendre. Je peux comprendre deux affaires. De un, on ne sait pas quel est l'individu qui amène le coupon, c'est-à-dire moi. Peut-être un tueur en série, moi, là. Hey, le FBI n'est pas là pour vérifier mon numéro d'assurance sociale ou mon passeport. Ça peut être un dangereux criminel qui va voir Marilyn Manson puis Rob Zombie. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse pas passer, lui, là. Il a l'air assez lourd. J'ai moi, ça fait le visage, les yeux. C'est du métal. Ça, c'est plus que du fer, ça, là. C'est du métal industriel. on peut avoir un certain dégoût pour ce genre de musique-là, du métal industriel, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toucher à tous les instruments. Il y avait du piano là-dedans. Bon, le premier groupe troisième groupe, ça c'est dans les verbes, il y a trois groupes. ER, ça c'est le premier groupe. Manger, ER, ouais, mange, ER. Deuxième groupe, IR finissant par ISAN. Et l'autre, IR, IRE. Le IR qui finit pas par ISAN et RE. Mais là, le premier groupe du spectacle, c'est compliqué, madame. Hey, moi, je croyais pas que des spectacles de jeunes comme ça. Non, non, hey, pourquoi vous dites de jeunes? Ben, c'est pas des gens de notre âge, là, hein? C'est pas ici jeune mère et puis l'autre, là, votre dame, là. Madame, votre dame, madame, votre dame, madame. Votre dame, votre dame, votre dame, votre dame. Vididam, vididam, vididam, vididam, vididam, vididam, vididam, vididam, vididam, non, c'est pas madame, là. Ah non, il n'y a pas de dame, là, il n'y a pas de monsieur, il y a juste des gens suspects dans ces genres de spectacles-là, là. Puis quand je suis rentré dans la salle, le premier groupe, là, avant Marilyn Manson puis Rob Zombie, c'était Palais Royal. P-A-L-A-Y-E Royal, comme R-O-Y-A-L-E. Ça, c'est un groupe qui existe depuis quand même. De 2008 à 2011, ils avaient un autre nom qui s'appelait Crop Circle. Puis après, ben, ils ont décidé de changer. C'est comme un homme ou une femme qui a la naissance. Écoutez, on va dresser là un portrait type. Donc, je dois balancer un nom, là. On va dire une femme, parce que j'ai une affiche devant moi que j'ai achetée l'année dernière. Non, cette année, à la porte de l'Olympia de Paris après le spectacle. Alors, on va appeler la dame Melissa Paradise. La dame s'appelle Melissa Paradise. Et puis, donc, dans sa première vie, ben, elle chantait, ne vous déplaise. Oh, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, actez maintenant. Après ça, elle s'est lancée dans l'art dramatique. Et puis, pourquoi je vous dis ça, moi, là l'art dramatique? Puis, madame, avez-vous suivi? Coulisses! Pour les gens qui me connaissent, là, c'est rare. Hey, depuis 2019, là, la coulisse, je l'ai appelée 3-4 fois. Là. Mais là, c'est un SOS. Coulisse! Coulisse! Qu'est-ce qu'elle fait, la coulisse? Qu'est-ce qu'elle fait, la coulisse? Pardon, madame la coulisse! C'est réel. Vous vous rappelez de moi? Oh ben, pourquoi vous vous rappelez de moi? Ouais, je l'ai appelé aux petites heures du matin. Ouais, je sais. Mais là, il est pas si tard. Ouais. Non, mais. Oui. Oui, c'est moi. Ah, je vais très bien. Hey, je suis allé voir un spectacle, madame Marilyn Manson. Connaissez-vous ça, Marilyn Manson? Puis Rob Zombie? Mais. Votre mari écoutait ça. Puis vous, c'était Willie Nelson. Johnny Cash, c'est la même chose, c'est de la musique, madame. Vous avez raison, c'est de la musique. Puis votre fille? Oh, elle écoute Pierre Fa et Paper Moon. Oh, mais là, on rentre là, dans quelque chose que je connais très bien, là. Mais, oui. Oui, mais... D'accord. Oui. Ouais, hey, je peux... OK, ben, je vais vous laisser dormir. C'est 89.1, c'est KRL. Vous voulez m'écouter? Ah, c'est sympathique. Je vous conseille les écouteurs. Parce que c'est surround digital ce soir-là. Ouais, j'ai... Oh, vous en avez entendu parler sur Facebook? Ah, hey, c'est une console surround digital. Ça... Vous allez peut-être un petit haut de cœur au début, là, mais vous allez vous habituer, là. Ouais. Le son est sublime. Oh, on travaille fort là-dessus. Écoutez bien, là. Le vent est beau. Est-ce que c'est surround? Attendez un peu. Le vent est beau. Le vent est beau. Le temps est beau. Le ciel est bleu. Regardez ce que je peux faire aussi. Hey, oh, hey, oh, Alors, j'arrive là avec mon filleul, on me confisque mon coupe-ongle, on monte les marches et on se dirige à notre place. Mais avant, je dis à René Schell, on va s'acheter une bière. Hey, on n'est pas un spectacle, quoique dans n'importe quel concert, si on veut se rafraîchir le gosier, il n'y a aucun problème. Fait que là, j'avais une marque de bière en tête. Je lui dis, mais il me semble que c'est plus loin, ce genre de bière-là. Ah non, parce qu'il y avait plusieurs kiosques. Puis là, on en passe 3-4. Puis là, j'ai dit, écoute, on va aller là. J'ai dit, tu choisis ce que tu veux. Choisis une bière. J'ai dit, on va en prendre deux. 21 piastres, 21 dollars, 10 et 50 pour une bière de 473 millilitres. La jeune fille qui m'a servi la bière croyait avoir un pourboire. Ah ben, elle s'est mis le doigt dans l'œil en Saint-Cy. Saint-Cy, elle s'appelle Saint-Cy, c'était mon ami. Mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, elle travaille là-bas. Elle doit payer son avocat pour son enfant qui viendra, qui deviendra grand. C'est beau, hein? C'était un moment d'émotion. Moi-même, là, je me suis remémoré ce que j'ai chanté. Je vais me mettre à broyer. Je ne serais pas capable de continuer. Mais je continuerai. Donc, on prend nos... Bon, écoute, moi, je ne fais pas le gars qui est surpris, là. Je crache l'argent. Tu sais, je suis comme devant au casino. Tu sais, moi, je n'ai jamais mis les pieds au casino. J'achète aucune loterie. Je suis contre tout ce genre de choses-là. Moi, quand je paye, je vais avoir quelque chose. Hein, je paye pas dans le vide, là. Tu sais, payer dans le vide, là. Oh, oui. Ah oui, c'est combien? C'est le tiercé! C'est 3 euros! Ah, mais je mise. Non, non, non. Moi, c'est pas ça, là. Et c'est 3 pièces. Qu'est-ce que j'ai en retour? Un morceau de carton? Ah, non, non, non, non, non. Faut que ça se mange, faut que ça se porte, ou faut que ça se boive. Si c'est pas ça, ça m'intéresse pas. Non, non, non, non, non. Hey, savez-vous à qui vous vous adressez, mademoiselle? C'est bien beau que vous ayez 17 ans et que vous pouviez, que vous pouvez travailler. Ouais, je perds moins. Vous êtes en linguistique à votre âge, mais tant mieux. Oui, je sais, j'ai bafouillé. J'ai commis une grave erreur de syntaxe et de... Oui, mon émission, c'est vraiment le chaos linguistique. Oui, l'univers langagier est mis souvent dans un genre de carrefour où il veut s'en aller aussi vite pour pouvoir atteindre l'inaccessible. Puis ça, c'est parti juste pour 2 bières à 21 piastres. Et là, je me suis dit, heureusement que j'ai pas un... Comment t'as... Non, j'allais pas dire un bordel, mais un... Où il y a beaucoup de... Ouais, une maison... En tout cas, heureusement que j'ai pas beaucoup de personnes à qui je peux faire plaisir parce que ça va me coûter quelque chose qui... mon travail sera passé. Moi, j'ai du boulot, monsieur, là. Non, c'est ça qui aurait été intéressant de dire à la dame. Puis que ça balance éperdument à vendre la bière, elle, là. Puis elle a quitté peut-être le travail de bar parce que tout le monde racontait sa vie. Hey, madame, vous êtes jolie, hein? Vous me semblez belle. Si votre bière est aussi délicieuse que votre beauté, je crois que je vais rester jusqu'à la fin de la soirée. Et là, elle se dit, j'espère que non. Fait que là, elle verse la bière dans le bar, là, pas où j'étais. Là. Puis elle met 3-4 gouttes de vinaigre ou de citron. Voilà, monsieur. Ah! J'avais demandé cette bière-là, mais j'aime ça le côté acidulé. Je vais rester pour la soirée. Elle dit, non. Mais là, c'est pas l'histoire. Là, l'histoire, c'est du bonhomme. Moi, 21 piastres, bon, on s'en va, on s'installe. Deuxième rangée. Mais comme les bancs sont bas, on voit partout. Mais la scène est à l'autre bout. Quand je dis l'autre bout, en pied, parce que là, je suis pas en mètre, moi, là. Et me sens en pied, c'est combien de pieds? Facilement 35 pieds. 6, 12. Fait que là, je m'imagine si je place des personnes de 6 pieds. 6, 12, 18, 24, 35. 35 pieds. Ouais, 35 pieds. La scène était à peu près à 35 pieds. Le groupe, le premier groupe que je vous ai nommé tantôt, là, que je vais vous redire parce que je ne l'ai pas mis loin. Palais Royal, Palais, mais qu'est-ce que c'est? Oh, une histoire de tous les jours. Mais Palais, mais qu'est-ce que c'est? Un spectacle de grand métalleux. Mais là, ça commence leur spectacle, eux autres. Puis quand le son débute, là, ça te rentre dedans. Quand je te dis rentrer dedans, il va pas avoir souvent de spectacle. Hey! J'ai vu Enrico Macias, moi, là. Le son m'a pas rentré dedans. Puis quand j'étais devant mon filleul, on buvait notre bière tranquillement. Hein? Ben oui, quand j'ai dit chaque goutte, là, sans la passer. Sans la. Il faut que tu la sentes passer dans ton corps. Mon oncle, t'as pas acheté une bière pour rien. Sans la. Là. Il sniffait sa bière. Non, je veux pas que tu la bois par le nez, là, mais je veux que tu en profites. OK? Aie du plaisir. Faut que t'en aies du plaisir. Sans n'aurais pas de plaisir. Là, il dit, ben, hey, Pompon, il m'appelle Pompon. Pompon, calme-toi. Là, je voulais déchirer mon linge. Hey, on veut pas appeler la police, là. La police, oui, la police, là. Ça a commencé à dégénérer légèrement. Et là, on dirait une chanson de Bob Dylan. Commence le spectacle, le son t'a... Tu sais, tu rentres dedans. Mais moi, ce que j'avais dit à René Schell au début, parce que là, c'était éclairé un peu trop, à mon avis, et puis à mon grand désespoir. Je souhaitais deux choses. Que la lumière descende et que le son monte. Et c'est ce qui est arrivé. Quand je vous dis là, que la pénétration sonore te rentre dans les entrailles. Après, tout était bien. Tu sais, quand ton corps a calibré tout ça, là, c'est bon. Tu te dis, OK, ça va bien. Tu étais en vibration avec l'environnement. Le spectacle a commencé à 19h et a fini à 23h15. Donc, tu étais prêt à gober tous, mais ça a pris au moins deux chansons, tu sais, 6 minutes pour que tout rentre en diapason avec ce que je regardais et j'en ai profité après 6 minutes. Avant, c'était « Wow! Oh! Oh! Tu sais, oh! Les montagnes russes, là! Oh! Qu'est-ce que je fais? » Mais j'aimais ça, là. Mais il faut que tu t'acclimates. C'est comme la madame, 35 ou 15%, là. La crème champagne. Vous vous souvenez de la crème champagne? Ça fait combien de temps? Ça fait 45 minutes. Bon. L'avez-vous aimé, la crème champagne? Ah, l'avez-vous... Ouais, sur les fraises de Lille. Félix Leclerc. OK, vous allez y goûter. Parfait. Que le spectacle commence avec ce groupe extraordinaire. Vraiment, là, j'ai apprécié. Puis là, pendant une chanson de Marilyn Manson, on extirpe. Là, je dis souvent le mot extirper là, dans mes émissions, mais dans ce cas-là, là, je veux juste vous expliquer que c'était pas plein en avant. Tu sais, les gens. Je voulais, moi, avoir ma place debout, mais mon filleul ne voulait pas. À cause des représailles, des coups, tout ça. J'ai dit, voyons donc, t'es ceinture noire. Puis c'est vrai, à 7 ans, il a passé sa ceinture noire, première dan. Quand même impressionnant, là. Puis là, après ça, ben, il fait du sport, tout ça. Je dis, voyons donc, il n'y a aucun problème, il ne voulait pas. OK, on va être assis, comme des papères, dans un spectacle de métal. C'est lui qui le veut, pas moi. C'est sa fête, pas la mienne. En même temps, je me suis dit, bon, m'amuser, là. Hey, wow, hey! Je suis là pour vivre des expériences. Et ça, je parle de ça souvent à mon émission. Je veux vivre des expériences pour mieux vous les relater. Et donc, on a vécu les bonnes questions. La musique, hein, ça rentre dans le corps. Comme un peu Laurent Levousy, là. Ça rentre encore dans le cœur et le corps, dans Rock'n'Roll Collection. Mais là, on n'est pas dans le Rock'n'Roll Collection, on est dans le métal industriel. Qui n'a pas rouillé, là, qui est bien huilé. Et puis, donc, pendant une chanson de Marilyn Manson, qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai des petits cartons pour m'aider. Non, mais je place des petits cartons de même. C'est écrit quoi? C'est pendant une chanson de Marilyn Manson, un homme se trouvait au sol. C'est vrai. C'était, tu sais, la chanson de Red Mix, là. Entendez-nous les hommes. On n'entendra pas ce soir. Tant, parce que c'est un grand succès. Puis moi, je vais vous faire entendre des chansons moins connues. Et pendant ce qui se passait sur scène, le gars, comme la scène n'était pas pleine pour les gens debout, ils l'ont tiré, ils l'ont extirpé, le mot extirpé, comme je vous disais, dans le milieu où c'était plus tranquille. Et moi, j'étais près du milieu. Et le gars, il y avait 7 personnes des agents de sécurité qui étaient sur ce gars-là pour le sortir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, là. Peut-être qu'il a frappé quelqu'un. Peu importe. Ils étaient couchés. Ils l'ont pris, là. C'était comme un cerf-volant, mais lourd, là. Tu sais, une poupée gonflable, mais pas à l'hélium, non. C'est pas bon comme exemple. Mais en tout cas, ils l'ont pris. Chacun par les membres, des fois par le gilet, en tout cas. Et puis, ils l'ont apporté vers l'extérieur, c'est bien dit, hein? Mais sans le blesser, sans rien faire, là, tu sais. Juste enlever ce qui nuit du spectacle. Pendant ce temps-là, il y a le Marilyn Manson qui chantait. Je disais, hey, ça, c'est un beau vidéoclip. Puis en plus, on parle de spectacle vivant. C'était plus que vivant. Hey, oh, c'était merveilleux. J'aimais ça. Moi, ça allait bien avec le spectacle. Fucked up. Yeah, I like to get fucked up too. you do. Aujourd'hui, le lundi 21 octobre 2019, ce que je veux vous dire là aussi, je voulais acheter un gaminet pour René Schell. Un gaminet. René Schell, vous savez, c'est qui René Schell? Voyons donc! Un gaminet. Un gaminet. Je vous le dis souvent, un gaminet. C'est comme courriel, faut s'habituer. Arrêtez de dire email. Ça me brûle les tympans. Gaminet. Version française, gaminet. En anglais, T-shirt! Alors, je voulais acheter un gaminet à René Schell du spectacle de Rob Zombie et de notre ami Marilyn Manson. Mais quand je suis allé à la boutique, j'ai vu 50$. Bon, là, j'ai dit, écoute, ben là... Je me suis dit, ah, ça, non, je me parlais à moi. Écoute, ben là, t'es allé voir un spectacle, tu l'as amené manger, t'as acheté un vélo. Oui. Achète-toi le gaminet, puis lui, ça le dérangera pas. Là. Voyons donc, il y a 30 ans, puis je promenais avec ça. Voyons donc. Ça fait comme un pépé qui... Hey, le pépé fait du rétro, là, hein? Pépé dans le métal, là. C'est moi, ça, le pépé. Ça fait que... Je me suis acheté... Mais je m'en suis acheté un. Il me fait très bien. Il est à la noirceur, là. Le bleu et le vert sortent. Les gens passent à côté de moi en me disant rien. Rien. Ils osent pas. Ils disent c'est un malade en série. Il y en a des malades en série de même, là. Oh! J'ose même pas y demander à quel endroit il l'a vu, puis s'il l'a vraiment vu. Puis, tu sais, c'est comme Jésus. Tu sais, quelqu'un qui a une apparition de Jésus. Mais normalement, Jésus, ça marche pas. C'est Marie. Les gens ont des apparitions de Marie. La mère de Jésus, là. Marie-Madeleine. C'est pas Marie-Madeleine, c'est la Marie. Marie. Marie qui? Ah, Marie! Oh, Marie! C'est ici que ça embarque, là. Oh, oui. Il va se transcender en hein. Lui. C'est comme Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, ils deviennent des Elvis. Hein. Oh, Bravo! Aujourd'hui, le lundi 21 octobre 2019, excuse-moi mon Pierre, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole au gestionnaire de nos... au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Moi, là, je vais pas à l'école. Ah non, l'école. En plus, c'est 18 trous, l'école. C'est comme un mini-pot. Ah, c'est pas l'école, c'est le golf. Ah, man. Le golf, moi, là, à part le bâton puis la boule, là, de la misère, faut pas la boule, moi. Toujours des problèmes parce que c'est le swing. Faut que t'ailles du swing. Comme errance rénaldienne, t'as-tu du swing, toi? T'as-tu du swing? Pierre, on y va réglo, je te le dis. Aujourd'hui, on reprend pour être réglo pour Pierre Fort. Aujourd'hui, le lundi 21 octobre 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour d'un doyen, d'un ami, d'un artiste que j'adore et que je suis de très près. Et qu'à chaque rencontre, c'est toujours un grand plaisir. Alors. Allons du côté jardin. Allons voir les fleurs et l'univers exceptionnel de mon ami Pierre Fa. Bonne émission. Je veux tenir ta main. frappe du soir, jouant bien le jeu d'un regard. Approchez-vous de sa distance, elle est l'océan qui avance dans le matin. Une ville inconnue scintille, et dans ses reflets qui vacillent, on voit passer ta barque lente. Ma demoiselle était charmante, mais enfin. C'était une fille en robe du soir, au ralenti dans les couloirs des grands hôtels en décadence. Les roseraies d'amour d'enfance, je m'en souviens. Pas bien, voyons. Cours pas comme ça, voyons. Si. Pourquoi? J'aime pas faire attendre les gens. Mais non, mais. Bonjour, Renan. Salut, je viens d'arriver, voyons donc. Ça va? Oui, je viens tout juste d'arriver. Faut pas se presser, c'est matin. Sinon, ça commence mal la journée. Ah, mais des fois, il faut commencer comme ça, tu sais. Ah oui? Oh, pour la terminer plus tranquillement. En l'occurrence, oui. Ok. Waouh, ça va? Eh, hey, t'as couru beaucoup? Bah, depuis chez moi. Ben ouais, non. T'es jamais venu? La prochaine fois, on fera chez moi si tu veux, parce que c'est pas loin en fait. Ouais, puis en plus, on pourrait faire peut-être un truc live. Oui, on peut. Mais j'avais pensé. On peut. Okay. Au piano. Oui. Parce que là, sur la rue des Abeilles, c'est compliqué d'amener un piano. Là. C'est clair. Ouais. Mais tu sais qu'anciennement, il y avait placé un piano public. Hein? Oui, c'est vrai. Il y a 2 ans. Absolument. Ben, c'est l'opération Play Me I'm Yours qui faisait ça tous les étés. Et je sais pas si ça continue. Non, ben, le piano est plus là. Ouais, il y en a encore dans les gares, ils en ont aussi dans les gares. Les aéroports aussi, des fois. On avait fait 2 fois ça, on avait joué 2 fois dans Premier Immense. Je veux dire, ils avaient un programme. Oui, enfin, comme plein d'autres gens. Hein. Ah ouais. Et c'était agréable à faire, j'aimais bien ça. Parce que ça fait jouer dans des lieux un peu improbables, un peu originaux, qui ont du caractère. Et surtout que les gens sont pas toujours réceptifs, donc ça suscite un autre. Écoute, c'est simple. Soit les gens passent parce qu'ils ont autre chose à faire, ils n'ont pas le temps, ils s'en fichent, c'est pas leur style, voilà. Soit ils passent, soit ils restent. Et s'ils restent, c'est qu'il y a quelque chose qui les accroche, voilà. Donc il n'y a pas d'animosité, en tout cas les gens n'ont pas le temps de ça. C'est surtout qu'on dérange personne, hein. Si tu veux rester, tu restes, si tu veux partir, tu pars. Hey, quand je t'ai parlé au téléphone l'autre jour... Ah oui, mais alors regarde, je t'ai amené, parce que en fait, après, j'ai décidé de faire des CD promo, donc je t'en ai amené. Ah, ok. Mais voilà. Non, mais c'est pas là-dessus que je veux rebondir. Tiens. Ah, oh, merci. Voilà. Merci. Ah, Peppermoon, moi, un nouveau, oui. Oui, qui est sorti mais hier. Mais ça, c'est ce que tu m'as téléchargé, c'est ce qu'on a essayé d'avoir. Ben, il me semble. Hein. Oh oui, non, parce que ça a pris plusieurs. Non, mais... J'en fais tellement. Non, c'est pas ça, c'est que ça a pris tellement de WeTransfer pour... Oui, c'est ça. Okay. Je crois que c'est ça. C'est ça, je oui, c'est ça. Alors... Voilà, donc finalement j'ai fait des CD promo et puis bon. Ah, mais je trouve ça génial parce que non, c'est pas ça. C'est pas ça? Non. C'est autre chose? Ben, c'était le truc de 13 titres. Ah, c'était le EP Collection oui, alors. Oui, oh là là. Non, mais je l'ai dans mon ordi là. Bon, je vais te faire un truc. Non, pardon. Non, c'est super. Puis ça te représente? Oui, c'est un dessin d'une fille qui s'appelle Aurélia, Aurélia Devoix. Et qui fait des illustrations dont j'aime bien le style. C'est drôle. C'est l'ami de Jay Alansky qui avait produit mon premier album. C'est comme ça que je l'ai rencontré, Aurélia. Mais c'est pas pour ça que je lui ai demandé le dessin, c'est parce que j'aime ce qu'elle fait. Pourquoi t'as voulu proposer dans Peppermoon le visage de la chanteuse et non pas... C'est pour changer un peu, parce qu'on avait fait un cycle de 3 albums déjà, dont les pochettes se suivaient, qui étaient donc des images un peu impressionnistes, comme ça, des superpositions Photoshop avec qui donnaient un truc un peu flouté. Ouais. Et là, après quelques années de hiatus, de pause, Je me suis dit, il faut revenir avec une formule qui change un peu. Et donc, l'idée de mettre Iris un peu plus en avant m'a semblé naturelle. Je me suis dit, ouais, là, elle est... Et puis, elle a aussi une... Elle n'est pas la même qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'elle est plus à même d'exprimer des choses dans une séance photo. Sublime. C'est toi qui as pris la photo ? Non, c'est un copain chinois qui s'appelle Wen Peng et qui nous fait souvent des photos. Très belles photos. Ouais, il nous connaît bien maintenant. Et de Iris et de moi-même. Et il fait des photos pas mal parce que... Et il n'y a pas que lui, il y a Séverin aussi, mais enfin là j'ai une petite équipe comme ça de photographes avec qui on est un peu en famille, et ça donne des choses sensibles. Oui, exactement. Oui, je vais revenir là-dessus, je vais rebondir sur ce sujet-là. Quand je t'ai appelé, c'était la pleine lune. Oui, c'est vrai, oui. Je me souviens de ça. J'allais travailler, donc j'étais un peu pressé, mais j'ai voulu t'appeler. Et tu m'avais l'air un peu déçu de la tournure de ta carrière. Hop, tu sais, ma carrière, déjà, c'est un bien grand mot. Non, il s'est passé plein de choses dans ma vie ces trois dernières années. Et soit j'en dis trop et ça peut être... Bonjour, j'ai un café allongé, s'il vous plaît. Soit j'en dis trop et ça pourrait devenir une espèce de déballage indécent, soit j'en dis pas assez, alors je sais pas comment m'y prendre. Mais disons que depuis 3 ans quand même, il y a énormément de choses, de pages qui se sont tournées. Ce n'est pas de mon fait, mais il y a eu énormément de ruptures. Et de... Ça c'est dans ta vie sentimentale, dans ta vie en général, familiale. Des deuils, des départs, des ruptures, ce qui fait que des révélations, des trucs, ce qui fait que les choses n'étaient pas comme avant. Bon. Okay. Et donc, ça a entraîné aussi d'autres choses en domino, tu vois, qu'en jeu de domino. Alors, j'étais à la fois vachement dans la création, parce que ça faisait du bien dans ce moment-là d'être dans la création, j'en avais besoin, mais j'étais de moins en moins, et je le suis, c'est vrai encore, dans l'idée même de carrière. Ça me paraît, je sais pas, je suis de plus en plus détaché de choses... où il faut faire des pieds et des mains pour se mettre en avant, pour faire des trucs, etc. Ça me tombe des mains. J'arrive pas à jouer le jeu. Je voudrais bien des fois. Alors avec toi ici, on est ensemble, on passe un joli moment. Ça me fait plaisir. Peut-être avec quelques personnes comme ça, tu vois. Annie Grandjeanin pour son blog. Avec quelques personnes que je connais avec qui ça me fait plaisir. Mais vraiment dans cette idée de plaisir. Et sinon, s'il faut commencer à... pardonne-moi l'expression, mais à se prostituer et aller chez les bottes de je ne sais qui et pour je ne sais quoi, pour grappiller quoi, pour décrocher quel ponton de manège, tu vois, tout ça est un peu dérisoire. Et donc moi j'aime faire ces chansons, j'adore ça, plus que jamais. Là je repars à Londres pour faire des sessions du 10 au 17 avec un compositeur anglais, Michael Wookie. Ouais, ouais. Et voilà, j'ai d'autres choses prévues cet été aussi, tu vois, donc je suis en permanence dans une action. Là où je lâche prise, vraiment, c'est sur le concept de promotion traditionnelle. J'ai l'impression que même si j'obtiens une chronique là, ça ne changera rien. J'ai l'impression que de toute façon, on est tous noyés dans l'océan d'Internet et que c'est pas une chronique à droite à gauche qui va faire la différence. Donc je le fais juste au plaisir. C'est une réalité. Je vois des gens qui dépensent des fois beaucoup d'argent ou de temps sur des vidéos, par exemple, qui ensuite vont être vues par nos 50 amis, enfin tu vois, et tout. Tu dis, mais à quoi bon, à quoi ça sert ? Tout ça est très vain. Donc, je fais ce qui me plaît, je fais les chansons comme ça me plaît, en toute liberté et tout. Après, le reste, voilà, je suis assez détaché de ça. Et... D'autant, j'ai observé une chose, c'est que quand il y a un emballement sur quelqu'un, quand il y a soudain, tu vois, une espèce de consensus médiatique sur des artistes, tout le monde va sur les mêmes pendant un an. Ouais, ouais. Et après, ils sont grillés, en fait, un petit peu. On les purge un peu, après ça, on les laisse tomber. Ouais, c'est cruel, en fait, même. Parce qu'il y a des gens, pendant un an, on a l'impression que c'est des génies universels. Mais ces gens-là, ils croient aussi, là, ils ne savent pas ce qui va les attendre. Après. Ça dépend, il y en a qui sont peut-être plus à même de gérer ça que d'autres. Je pense qu'une fille comme Christine, par exemple, quand même très intelligente, et que donc elle est peut-être plus à même de se réinventer d'autres vies futures. Sûrement, c'est vrai pour Stromae aussi, qui est loin d'être bête. Donc, Après, il y en a d'autres peut-être effectivement qui peuvent croire ce merveilleux miroir qui se brise toujours vite. Ouais. Non mais Stromae, c'est parce qu'il a bien voulu aussi. Là. Il y en avait ras-le-bol, il était pris dans un cirque. Voilà. Ah ça, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pour ça, exactement, c'est une preuve de cette intelligence, ouais. Justement. Ouais, ouais. C'est de savoir trancher net, de ne pas essayer de... C'est bien certain que l'argent entrait à plein régime, mais c'est pas juste ça. Il sentait qu'il perdait sa vie, ça lui glissait sous les pieds. Ouais. Donc il s'est arrêté. Ouais. Il peut même repartir avec son véritable nom. Oui. Voilà, donc bah, c'est très bien. L'histoire à suivre. Mais voilà, donc je dirais pas déçu, c'est pas ça, mais je dirais que juste détaché par rapport à certaines choses. Parce que je peux pas dire que j'ai jamais vraiment espéré remplir Bercy non plus. Je ferais d'autres chansons si je voulais faire ça, tu vois. J'ai pas été dans une démarche de conquête du monde. Ça se saurait, quoi. Bon. Alors là, vraiment, je serais particulièrement à côté de ma plaque, tu vois. Ouais, mais tu serais pas dans ton élément. C'est ça. Donc non, moi j'aime bien faire mon petit truc, être comme une île, comme ça. Mais j'en sais les limites et je les vois de plus en plus. Donc voilà, je fais mes sorties qui sont en streaming où je sais que je peux envoyer ça d'une manière directe aux gens qui ont aimé Paper Moon par exemple à Taïwan, en Chine, ailleurs. Bon ben voilà, je peux à travers les réseaux sociaux, je peux leur faire savoir directement. Bon, voilà. Pour l'instant, je dis pas que je referai pas d'autres choses plus tard, mais pour l'instant j'aime bien ce mode de fonctionnement. Parce que j'ai vécu tellement de choses ces trois dernières années que là, voilà, c'est pour l'instant, c'est pas mal. Après toi, après tout, les châteaux de sable, j'en ai perdu le goût. Cœur indéfini, simple. Mais c'est fou, ces amours pas simples qui vous laissent à genoux et comme un saisisseur. Si c'est la vie qui fait des siennes, si la fin comportera tout, c'est vraiment pas la peine. Des années qui vont, qui viennent, l'horizon me dit des mots doux, tu n'en vaux pas ma peine. L'océan me dit des mots doux, il n'en vaut pas ma peine. Simple, ne tenez pas debout, c'est toi le responsable. Les dégâts, le dégoût, c'est pas remboursable, ou vraiment pas beaucoup, à des prix impensables. Si la fin comportera tout, c'est vraiment pas la peine. Et des années qui vont, qui viennent, l'horizon me dit des mots doux, il n'en vaut pas ma peine. L'océan me dit des mots doux, il n'en vaut pas ma peine. C'était toi, j'aimais tout, tes châteaux de sable. après, quand je reprendrai peut-être des forces ou de la confiance, j'aurai une nouvelle proposition musicale qui sera pas forcément la continuité de ce que j'ai déjà fait, mais qui sera vraiment une chose nouvelle. Là, peut-être, ça méritera de le faire savoir, merci, de le faire savoir d'une autre manière, d'essayer. Mais là, voilà, c'est une continuité, donc j'essaye pas de remuer ciel et terre, je fais mon chemin. Mais depuis la dernière année, t'as été productif, t'as fait un EP, t'as fait une collection de EP. Je sais même pas comment j'ai fait tout ça. Ouais. Mais pourquoi? Tu voulais oublier? Tu voulais te noyer dans le travail? Je voulais peut-être pas me noyer, mais me donner un cadre. C'est-à-dire peut-être sans le travail, je me noyais. Ok. Et tu vois, c'est peut-être c'est pas qu'un jeu de langage non, ça. Non. C'est que ça me donnait un rythme, ça donnait un tempo à l'année. Et ça m'évitait de mariner dans les souvenirs, dans des regrets, voire dans une colère par rapport à des injustices qui étaient flagrantes, des injustices de la vie, tu sais. Tout le monde en a, hein. C'est vraiment j'enfonce des portes ouvertes là, mais des fois, vraiment, tu es face à des choses, tu te dis, mais comment ça se fait que la foudre tombe là et pas ailleurs? Comment ça se fait que telle personne naît sous les bombes en Syrie pendant que Bachar el-Assad se remplit la panse dans son palais doré? Comment ça se fait que... Et bien, c'est en permanence, ça se passe en permanence dans le monde. Il y a des moments où tu as plus le nez dedans. Ouais. Mais est-ce que ce travail-là a construit une autre façon d'écrire, une autre... As-tu utilisé ce que tu as vécu pendant ces trois années-là et les placer un peu sur disque? Est-ce que ça a été comme un petit peu. Une sorte de psychanalyse? J'irai pas jusque-là, parce qu'il y a des choses qui mettent du temps, il y a des processus qui mettent du temps, donc ouais. J'écrivais pas, c'est pas une chronique au jour le jour. Il y a des choses qui remontent de plus loin, il y a des trucs... Bon. Donc, c'est pas une chronique au jour le jour, c'est pas un journal comme ça. Par contre, oui, il y a des histoires de rupture, des histoires familiales, toutes sortes de choses qui affleurent. Mais j'espère que ça reste quelque chose à quoi des oreilles neutres, extérieures, peuvent s'accrocher. Tu vois, que c'est pas trop ma vie regardée à la loupe. Que j'essaye justement de prendre un peu de recul et d'en tirer ce qui peut éventuellement faire résonner pour d'autres. Et puis une chanson aussi, une fois que tu l'as lancée, chacun prend la bride qui l'intéresse et la garde en soi. Certes. Moi, je me méfie quand même des fois des chansons trop floues, pour être honnête. C'est-à-dire que les gens qui disent « Oui, mais dans cette chanson, toi, ça peut être ceci, cela, machin, X, Y, bémol. » Finalement, je me dis « Bah oui, bon, alors ça veut plus rien dire, quoi. » Faut faire des choix, quoi. Faut faire le choix du sens, quand même. Donc, mes chansons sont pas hyper ouvertes. Je dis simplement que j'essaie que ce soit pas trop spécifique sur des détails concrets, pratiques, parce que c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'émotion qu'on peut éventuellement partager avec des gens. Est-ce que ta musique, dans toute cette création-là, reste dans le même style, ou si tu as voulu toucher d'autres sons, d'autres tempos, d'autres... Oui. Ben, j'essaie que ce soit un petit peu... Par exemple, tu sais, il y a un truc qui s'appelle « Et les gouttes sur la vitre », qui n'est pas vraiment une chanson, puisqu'il y a deux parties, une partie A, partie B, qui ont chacune quatre accords, et puis dessus, c'est un parler chanté. Donc c'est plus proche de ce que fait Tim Dupe, par exemple, que ce que j'ai fait par ailleurs. J'ai beaucoup aimé cet album, je me suis dit, tiens, et si j'essayais ce genre de phrasé, ce genre de flow, qu'est-ce que ça donnerait? Bon, ben voilà, ça a donné ça. C'est une expérience, mais que je prolongerai. Et il y a des choses plus expérimentales, comme Parenthèse, qui est un truc assez étrange, qui s'étale sur plus de 5 minutes, où il y a une rythmique de cailloux. Donc oui, j'essaye des trucs. J'aime bien toujours le format chanson standard. J'aime bien faire un couplet, un refrain, tout ça, ça me plaît. Et puis j'aime en écouter, alors. Mais qu'est-ce qui fait que tu travailles sous ton nom, ou sous Paper Moon, ou avec d'autres? Est-ce que c'est une sorte d'urgence, ou c'est tout simplement le plaisir de travailler avec d'autres que toi? Ben, D'abord, j'ai pas trop de stratégie. Je fais des chansons et puis après je vois où elles peuvent le mieux aller. Ok. Donc, des fois ça va être avec la voix d'Iris, ou bien ça va être un texte pour Elsa, ou Emma, Solal, ou bon. Ah, je la rencontre demain. Ah, super. Oui, oui, oui. Donc pour toi, la... Moi j'aime beaucoup Emma. Là, on a fait deux chansons pour son nouvel album. Oui, oui, oui. Et celui qui est sorti, là? Oui. Ok, ouais. C'est une personne très touchante avec qui on peut parler de choses profondes. Je sais pas, j'ai une certaine complicité avec elle. Comment tu l'as rencontrée? Comment tu fais tes rencontres? Est-ce que c'est du hasard, même si le hasard n'existe peut-être pas? C'est ça. C'était sur MySpace. Ok. Oh, à l'époque, est-ce que ça existe encore, MySpace, comme on... Oh non. Enfin, non. Dans nos cœurs. Non, ouais. Non, mais ça a été une période un petit peu d'euphorie parce que c'était le premier réseau social vraiment à grande échelle. Et donc, tout le monde rencontrait tout le monde à ce moment-là. C'était un peu comme les correspondants dans Spirou. Ouais. Enfin bon, il y avait quelque chose d'assez naïf et joli qu'on a perdu. Après, avec Facebook, qui est devenu plus sérieux et plus financier et plus... C'est pour ça qu'ils gagnent énormément d'argent, d'ailleurs, ces gens. Oui. Mais à l'origine, c'était juste pour une université à l'interne. C'était pas pour tout le monde. Puis là, ils ont vu qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Oui. Là, c'est rendu un gros foutoir. Il y avait manifestement quelque chose à faire, c'est vrai. Oui. Mais voilà, donc Emma, et de même que beaucoup d'autres artistes que j'ai rencontrés, c'était à l'époque MySpace, en fait. OK. Et la liaison s'est faite toute seule, sans trop de travail. Vous étiez vraiment du même monde, de la même planète. On a été prendre un thé au Quincampe, qui est un endroit rue Quincampoix que j'aime bien. Et c'était très agréable. Je suis reparti et j'ai écrit une chanson. Pour elle. Et qui lui a plu et qui a donné le titre à l'album. Et puis voilà. Mais est-ce que tu t'es... Parce que là, je sais, depuis qu'on se connaît, c'est quoi, ça fait 5-6 ans, 7 ans, 6 ans? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Tu aidais beaucoup de chanteurs que tu connaissais ou de chanteuses. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que tu oui. Tu les pousses ou tu les... Oui, ce week-end, là, je vais enregistrer un jeune mec qui fait des chansons en anglais, bon, pour une fois. Donc j'ai pour vraiment une fois, bien aimé. Ouais. Et, c'est nouveau. Oui, c'est vrai, j'ai pas souvent fait ça, mais là je me suis dit, bah, pourquoi pas. Ok. Et j'ai été séduit par le mec aussi, d'une certaine manière. Enfin, c'est pas un petit ami, mais disons que je trouve qu'il a du charisme, qu'il a un truc. Je me dis, tiens, il a une certaine... Il porte bien ses chansons, quoi, tu vois, comme un vêtement ou un truc. Il est parisien? Oui, il est parisien, oui. Il a pas mal voyagé déjà, mais il est parisien. Et bon, voilà, on va faire un essai, quoi. On va voir si on trouve un son qui lui va bien, si on trouve quelque chose qui est... Mais qu'est-ce qui te plaisait chez lui? C'est sa façon de chanter, c'est sa façon de se présenter? Oh, il a... les deux, c'est un ensemble. Parce que quand même, avec le temps, je me dis, ouais, c'est quand même important, là... Comment la personne défend les choses. Parce qu'après, on peut faire des chansons merveilleuses, mais qui vont tomber dans un trou complètement, parce que la personne les invalide presque, je dirais. Je l'ai vécu, je l'ai je l'ai observé, donc autant en tirer des enseignements. Autant avoir quelqu'un qui ensuite va rapporter un peu le projet et le faire vivre, à sa manière, mais va le faire vivre, vraiment, pas le glisser sous une armoire, quoi. Mais toi, tu veux lui écrire des chansons ou tu veux travailler plus la musique? Non, il écrit. Ok. Alors, si on fait quelque chose ensemble, tant mieux. Ah, tu veux juste peut-être l'aider dans la structure? Trouver une couleur sonore. Ok. Et je suis même pas sûr d'être la meilleure personne pour ça, pour lui, mais on va défricher. C'est son intérêt, c'est ça? Oui, pour moi, c'est un intérêt. Ouais, moi, ça m'intéresse parce qu'en plus, ce genre de chansons, j'ai pas encore fait. C'est un peu plus pop, entre guillemets, que ce que j'ai fait jusque-là. Donc pour moi, c'est un petit challenge et ça, j'aime bien. On va voir, on va faire 4 jours. Ça marche, ça marche pas, on verra bien. Mais oui, je fais souvent des sessions comme ça, d'essais, de choses. Mais il faut que les gens soient ouverts aussi à... À recevoir. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit « Bon, alors on va faire ci, ça, comme ça, là tu mets ça, comme ci, etc. » Ça me casse les pieds, quoi. Thank you. hasard, dans ce quartier lointain, assis par terre un soir, être bien. La chaleur de l'été, la vibration de l'air, un homme déjà glacé. Un sablé au gingembre et la maison d'un peintre. Elle est très bien ma chambre. Il y a pas mal de cintres. Merci pour la vie, merci pour le miel, merci pour les étés pâles, la douceur de la pénombre, merci pour la laurier rose. Là où j'ai grandi, j'étais éternel, tu étais mon idéal. Maintenant j'ai vu ton ombre. Comment faire la part des choses? Ce que j'ai appris affamé le ciel au jardin la digitale, en passant dans la décombre, des photos se superposent. Parfum de la pluie, papier aquarelle, dans la fraîcheur hivernale, voilà tu rejoins le nombre des mystères et de leurs causes. Passent les amis, passent les soleils et les carnets en spirale. Ça s'empile, ça encombre. Je peux vous en dire quelque chose. Merci pour la vie, merci pour le miel, merci pour les intervalles. On a tous un côté sombre, où vont les racines des roses? Je suis pas vraiment un ingénieur du son. Et puis je sais pas tout faire et tout, donc il faut vouloir ma couleur un petit peu aussi. Oh, oui. Sinon. Et lui, pour avoir accepté, il a sans doute écouté tes créations, tes chansons. Oui. Et il a senti peut-être un lien musical entre. Ben, je pense qu'il s'est dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose d'original, quelque chose qui sera. Ses chansons, avec sa culture musicale, etc., mais avec un petit truc que je peux amener dedans. J'imagine, c'est ça qui doit se dire. Et les artistes, est-ce que c'est eux qui viennent à toi, ou si c'est toi, quelquefois, qui peut frapper à la porte et dire « j'aime bien ce que tu fais, on pourrait peut-être faire quelque chose » Oui, mais dans ces cas-là, ça a rarement marché, parce que okay. Moi, comme je ne suis pas une valeur commerciale, en fait, aller au-devant des gens, c'est parfois s'exposer à être confronté à ça. C'est-à-dire, moi, j'ai, et pourtant, pas forcément avec des artistes très très connus non plus. Mm-hmm. Des fois, même, c'est plus facile avec des artistes très très connus, en fait. Voilà. Donc non, moi, j'ai envoyé des messages à des gens comme ça, où je me disais... Mais même pas dans un esprit de démarchage, mais juste en disant bah, j'ai vraiment aimé ta chanson, voilà, je serais content si un jour on se croise, etc. Et puis en fait, j'ai jamais de réponse. Okay. Vraiment de gens où on n'aurait pas imaginé, quoi. Donc bon, j'ai arrêté de faire un petit peu de ce côté d'aller vers des gens comme ça, parce que des fois, vraiment, tu as des mauvaises surprises. Ouais. de on l'interprète aussi peut-être mal, on comprend pas vraiment ce que tu... Mais c'est intéressant parce que tu te places aussi souvent à la place de la personne qui fait une chanson. Toi, tu aimerais bien avoir des échos aussi, alors tu fais la même chose pour les autres. Si tu écoutes et tu apprécies, ben... Moi, je le dis. Moi, parmi les... Je pense qu'il ne faut pas être avare de ses likes ou de ses compliments ou de ses... Voilà, moi j'ai écrit, la chanteuse Clio, quand j'ai entendu Éric Romer est mort, sa chanson, je lui ai envoyé un petit mot et je lui ai dit, mais j'adore, ça aurait été une super chanson de Pepper Moon. Mais voilà, elle l'a fait très bien et elle a trouvé un bon angle et c'est super. Mais j'avais envie de le dire, j'ai juste envie d'envoyer un petit bouquet de fleurs. Ou Jérôme Minière, j'adore ce qu'il fait, je trouve que ses 3-4 derniers albums sont brillants. L'écriture, son dernier, le style. As-tu écouté son dernier 2019? Oui, oui, mais okay. Je préfère nettement le précédent. Okay. Je préférais Une île. Okay. Je sais que là, en ce moment, beaucoup de gens en France se rendent compte qu'il existe. Mais moi, j'ai adoré Le vrai, le faux et Une île. Voilà, c'est mes albums de lui préférés. L'un et l'autre, le premier album, le double, est-ce que tu l'as écouté? Monde pour n'importe qui, c'est ça? Oui, exactement. C'était le premier, oui, bien sûr. Le double album. Oui, c'est curieux, c'est un album qui, à sa sortie, ne m'avait pas cueilli. J'étais pas dans cette énergie-là, mais c'est avec le recul du temps que je l'ai apprécié. J'ai eu la chance de le rencontrer pour la Radio-Ton de CKRL il y a 6-7 ans. C'est un type très généreux, très ouvert, et qui travaille aussi avec des actrices. Il fait chanter des actrices. Ah oui? Ouais, c'est vraiment... il a fait son... Mais il n'est pas connu du grand public, hein. Je peux comprendre. Non, mais ce sont des chansons... intimistes. Hein. C'est pas la lambada, hein. Non, non. Tu vois, ben c'est ça hein, que les gens connaissent. Je veux dire, si on parle du grand public, hein, souvent c'est pour faire danser, pour faire du gros son, tu vois, ou alors des choses en ce moment, beaucoup de musique urbaine, de rap et tout ça. Nous, on pratique une musique qui est un peu une niche finalement maintenant. Quoique Souchon joue un peu là-dessus. Oui, mais ça fait 45 ans qu'il joue là-dessus, donc tu vois. Il a commencé à une époque où n'importe quel chanteur faisait un 45 tours, il faisait 12 émissions télé. Ouais, quoi. Mais il va quand même dans la chanson plus intimiste. Avec les moyens qu'il a eu à l'époque, les moyens de promotion, de visibilité, et qu'aujourd'hui, très peu de gens peuvent atteindre. Ah oui, effectivement. Et il a eu le temps aussi, il a eu le temps de faire des albums, des premiers albums qui ne vendaient pas trop, des choses. Bon, ça a pas attendu. Lui, il a attendu moins longtemps que Gainsbourg, si tu veux, mais quand même, je pense qu'il y a eu une... Il a commencé à marcher vers 30 ans, ce qui, à l'époque, était tard. Après Woolsey, quoi. Il a commencé à marcher quand il a rencontré Woolsey. Mm-hmm. Bon, on connaît l'histoire. Ouais. Mais il y a des tas de gens comme ça, de cette génération. En fait, on peut pas vraiment appliquer leur modèle aujourd'hui, parce que ça a tellement changé. Ils sont arrivés là au bon moment, au bon endroit. Ouais, ils étaient bénis des dieux pour ce qui est de la promotion. Parce qu'il y avait beaucoup de place pour les artistes. Ouais. Sur des chaînes nationales, tous les jours. Ouais. Donc on ne pouvait pas ne pas les connaître. Ouais, effectivement. Tu ouvrais la radio, ils étaient là. Tu ouvrais la télévision, ils étaient là. Voilà. Donc, il y avait quand même une certaine visibilité médiatique. Tu vois, ne serait-ce que midi première, tous les midis, sur la première chaîne nationale, tu avais 5-6 chanteurs qui passaient. Mmh. Rien que ça. Tu en avais l'après-midi dans les émissions d'après-midi, tu avais des émissions de variété le soir. Il y en avait tout le temps. Tout le temps. Alors, peut-être qu'il y en avait beaucoup à ce moment-là. Ça, c'est possible. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y en a quasiment plus. Ouais, c'est... Avoir une chanson en entier à la télé aujourd'hui... Puis à une heure de grande écoute, voilà, non, tu vois, c'est très émietté. Mais il n'y a pas si longtemps chez nous, on doit, nous, pour le CRTC, ça c'est le gouvernement qui régit les radios, on doit passer au moins 55% de chansons francophones. Hein? Mais eux, les radios, ont fonctionné avec une supercherie assez immonde. C'est que oui, ils présentaient une chanson, mais ils la coupaient. Donc, la chanson qui durait 4 minutes, on va vous la présenter. On est obligé, CRTC nous oblige à diffuser. Alors, on va faire 2 minutes. Ouais, OK. C'est fou. Donc, hein? C'était pas 55% du temps d'antenne qui était obligatoire. C'est 55% des titres. Exactement. Exactement. C'est complètement machiavélique, puisque le chanteur avait même pas son mot à dire, le groupe avait même pas son mot à dire. Ouais, bien sûr. On coupait. Bon. On coupait. Eux, c'était déjà la chance de jouer à la radio commerciale. Hein? Oui. Et bon, s'il manque un couplet, puis c'est le couplet le plus intéressant selon l'artiste, ben, on tremble. Oui, on devrait faire, on n'a qu'à faire ça avec les films, avec les toiles aussi au Louvre, on peut faire ça, tiens. Oui. Ben, ouais. On peut les couper, mais, après tout. Oui, ben oui, ben oui, ça prend trop de place. Autour de la Joconde, on s'en fout ce qu'il y a. On va juste mettre les lèvres. Ouais, ouais, ouais, voilà, hein, c'est bon. Mais, ouais. Mais vois-tu, au cinéma, ce qu'on fait, on faisait, là, on le fait plus pour rentrer les publicités, on coupait des scènes parce que ça prenait plus que deux heures de présentation. Donc, on coupait pour placer de la publicité. Donc, il y a des séquences qui sautaient. Mmh. C'est pas grave pour eux. Oui, oui. Alors, je fais très bien. Mais c'est fou, hein, parce que, en fait, ce qui fait rouler le tout, c'est vraiment pas l'œuvre, c'est même pas les chansons, c'est les publicités. Oui. Quand on organise des séries télévisées, ben, on l'organise même pas selon l'intrigue. C'est là, on va mettre une pub, là, on va mettre une pub, garnissez autour et on va présenter ça. Je me sens tellement loin de tout ça. Mais oui, je sais que c'est oui. La réalité, tu sais, je oui. Sais bien. Mais alors vraiment, moi, je suis un petit nounours. Hein. Tu ne rencontres que des petits nounours, d'ailleurs, je pense. Hein. On n'est pas des grands méchants. Hein, quand je vois les portraits des gens que tu rencontres, tu es spécialisé dans les gens qui sont hors de ce circuit-là, hors de cette pensée-là. Oui, mais il faut les diffuser. Hein. C'est pas parce qu'ils sont pas connus ou reconnus. Puis ils peuvent être reconnus ailleurs que dans leur propre pays. Ça, c'est ton cas. Oui. Il ne faut pas non plus s'arrêter et se dire ben là, on va aller chercher les gros canons parce qu'on va attendre longtemps, on va frapper aux portes. Puis, Oui, puis en général, ils n'en ont pas besoin non plus. Enfin, non, exactement. Ils sont déjà bien occupés. Ce qu'ils veulent, c'est passer à des réseaux plus commerciaux, pas des. Oui. Oh, tu sais, le c'est un état d'esprit dès le début, c'est-à-dire que soit tu as le. Soit tu as ça dès l'intention de la chanson, en fait. Soit tu l'as pas, je crois. Tickets, parce que j'ai sorti vos tickets, en fait. Oui, d'accord. Et donc, des fois, ça s'entend dans la musique, même, je trouve, tu vois, cette ambition, cette envie d'être devant. Oui, oui, oui. Ouais. Ça s'entend. Oui, oui, effectivement. Est-ce que pendant ces trois années, bien, surtout la dernière année qui nous a séparés, parce que là, tu as travaillé. Sens-tu l'urgence de te poser, de te reposer, de t'arrêter un peu pour... Pas vraiment, parce que j'ai l'impression, comme Gainsbourg arrêtait de fumer toutes les 5 minutes, oui, que moi, oui, je m'arrête oui. Tout le temps, en fait. Oui. Gainsbourg disait « j'arrête de fumer après chaque club ». C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc après chaque EP, j'ai arrêté la musique, oui, tu oui, vois. Oui, c'est vrai. À chaque fois, reprendre le crayon, reprendre la musique. D'abord, c'est la musique. C'est-à-dire que j'entends des mélodies et je les note. Dans ta tête? Je me réveille avec une mélodie et je vais au piano et je me dis « Oh là là, il faut encore que je note ça ». Et c'est vrai, c'est une espèce de robinet musical comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que tout est bien, loin de là, il faut faire du tri. Mais j'ai une espèce de transistor dans la tête, tu vois, avec des mélodies qui tournent. Donc je les note, je me dis, je sais pas à quoi ça sert, mais je vais les noter. Est-ce que tu fais comme Chalère, tu ouvres le magnéto et tu commences à jouer, ou tu joues puis tu essayes d'emmagasiner? Je joue d'abord, et jusqu'à ce que ça trouve une forme. Sens, oui. Voilà, et qui me semble être à se cristalliser, qui me semble être plaisante. Et là, à ce moment-là, j'enregistre. Mais j'enregistre pas tout, non, parce que ça sert à rien pour moi. Je préfère être... Voilà. Et récemment, voilà, oui, il y a eu des... là où je vais enregistrer, là, c'est pour faire un nouvel album de moi-même. Ah, t'es rendu à ton cinquième? Je sais pas, quatrième album. Enfin, ben, il y a eu le cinquième, ouais, c'est ça, incluant les EP que tu as rassemblés sur un disque. Ouais, ça doit être le quatrième. Avec ce que j'ai ici. Ah oui, ben non, oui, c'est le cinquième. Cinquième. Oui, ben oui. Ben oui, parce que le... Non, mais pourquoi c'est... Ça dépend comment on compte, tu vois. Non, mais en incluant le EP, parce voilà. Que le EP, ça recueille tous les titres que tu as mis sur... Oui, okay. Ce sera le cinquième. Et là, donc là, j'ai toutes les musiques, j'ai seulement deux textes pour l'instant. J'ai des idées, hein. C'est pas le manque d'idées, c'est juste que là, bon, j'ai pas été... Je veux pas me faire ça d'une manière forcée. Donc, ça dit, ouais, non, ouais. Je pense que il y a des gens qui fonctionnent bien dans la précipitation, mais moi pas trop pour ça. Donc la musique a son rythme, la musique vient vite, les textes viennent plus lentement. Voilà, chaque chose a son rythme dans ma tête. Et donc là, je vais avancer sur les musiques. Je vais peut-être finaliser même les musiques et puis je ferai les voix en dernier puisque j'ai pas encore les textes finis. Voilà. Donc là, ça va être comme ça. Donc me poser ou me reposer, ben en fait, non. Parce qu'après celui-là, il va y avoir le cinquième Pepper Moon. Oui. Qui est déjà à moitié avancé. Oui. Ouais. Il y aura des chansons avec d'autres compositeurs, comme ça, que j'aime bien, comme celui-là. Et puis ensuite... je sais pas, après je ferai sûr, on verra comment les choses se présentent. Mais disons que là, il y a déjà deux albums en chantier pour l'année prochaine. Mais c'est énorme, hein? C'est quand même beaucoup. Ben oui, c'est beaucoup de travail, oui. C'est beaucoup de travail. Mais comme tu me dis depuis qu'on se connaît que la musique est beaucoup plus limpide que les paroles, ouais. Hein? Est-ce que tu envisages à un moment donné de faire uniquement un album instrumental? Ben oui, ce serait intéressant. Pour l'instant, parce que dans j'ai certains disques, oui. Tu mets des pièces instrumentales. Oui, dans l'album qui vient, là, oui. Il y en aura. Okay. Tout un album instrumental, oui, mais il faut que je trouve un vrai concept. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit un truc par défaut, genre des chansons où je n'ai pas trouvé de texte. Ok, on voilà. Ramasse ça puis on place ça dans la version. C'est-à-dire que ça, oui, ça peut faire une chanson où je n'aurais pas trouvé de texte et où je fais la mélodie. Oui, bon, comme ça, ça peut être un interlude dans un album. Mais si je veux faire un album instrumental, à ce moment-là, je veux le concevoir. À ce moment-là, je veux le prendre comme un objet artistique et me dire, bon, je fais un instrumental, comment un album instru, donc comment je l'aborde. Et me poser deux, trois questions et trouver un angle musical intéressant. Pour pas que ce soit juste, tu vois, des choses où j'ai pas trouvé de texte, quoi. Mais vraiment conçu comme tel. Alors, tu veux travailler pour un album instrumental uniquement dans la visée que ce sera instrumental et non pas parce que tu trouves aucun mot à placer, tu vas le cataloguer dans ta version, dans ton disque instrumental. Ça peut être le fait de partir d'un lieu, par exemple, ça peut être le fait de trouver un bel endroit avec une belle réverbe, une belle résonance, et puis là, de se mettre à jouer du piano, et puis de profiter de cet espace géographique, vraiment pour... donner une couleur, un ensemble à un album de piano. Bon, peut-être, ça c'est une chose. Ça peut être le fait d'être dans une collaboration avec quelqu'un et que donc on a une espèce d'osmose musicale, de ping-pong, qui fait que ça devient un truc qu'on peut explorer sur 12 chansons, sur 12 morceaux, sans parole. Voilà. Ça peut être à l'occasion... J'ai eu envie de faire ça au Japon, par exemple, avec des gens de la scène électronique un peu ambient. Et parce que je crois que ça pourrait aller avec, avec mon piano dans son versant le plus tranquille. Bon, peut-être. On verra. Si on compte, admettons que c'est 5 albums, mm-hmm. est-ce que tu sens le fil conducteur? Est-ce que tu sens le chemin que tu as tracé depuis le début jusqu'à ton disque que j'ai ici? Oui. Ou celui que tu prépares, tu sais, on va parler de ça. Oui, c'est ça. Ben, un chemin, j'espère, une progression dans l'exigence. Parce que quand j'écoute mon premier album, je suis des fois surpris des choses que j'ai laissées passer, notamment sur les prises de voix, et où je me dis, c'est pas possible, j'étais à l'ouest, enfin, où je me dis, mais comment j'ai laissé passer ça? Il y a des trucs qui, moi, me choquent un petit peu, me font tiquer, où je me dis, mais non, ça, c'est pas assez bien. Pourquoi on a choisi ça? Pourquoi j'ai accepté parfois certaines choses, certaines faiblesses techniques? Voilà, ça, si je pouvais refaire, je referais. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est mieux. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un niveau d'exigence qui s'est amélioré. Peut-être un petit peu moins inconscient, un peu moins farfelu. C'était pas de la mauvaise volonté. Je pense que j'étais dans un truc un peu farfelu, quoi. Et qui était un peu chien fou, tu vois, un peu comme ça. Et je faisais des choses trop vite, des fois. Là, peut-être que je suis arrivé à un équilibre où il y a de la spontanéité, mais il y a aussi de l'exigence technique. Je pense que les voix sont mieux, c'est mieux pris, et c'est plus soigné. Je suis plus concentré, je suis plus focalisé sur ça, sur des choses que j'ai un peu négligées au début, comme ça, par inconscience. Mais sur scène, tu peux les modifier, donc est-ce que c'est ce qui arrive? Ouais, bon, tu sais, j'en fais pas beaucoup de scènes, hein. Tu sais, on en a déjà parlé. Moi, je suis pas un grand... je pense pas que ma musique... S'apprête à ça? Et je le comprends, ça me paraît clair. Moi, j'ai toujours aimé, avant tout, l'intimité avec une chanson. L'intimité avec un disque qu'on écoute chez soi, qu'on réécoute. C'est comme ça que j'ai aimé la musique au début. Okay. Et c'est comme ça que je continue à l'aimer. C'est-à-dire que, même si, par exemple, j'adore The Divine Comedy, ce que je préfère, et qu'il est très bon sur scène, mais ce que je préfère, c'est réécouter The Summer House, réécouter Songs of Love, chez moi, dans différentes... Et avoir ce rapport au fil du temps avec une chanson qui est comme une amie, presque, avec qui je vais avoir vraiment ça va être un objet transitionnel, quoi, tu vois, et comme avec certains bouquins aussi. Et c'est ce que j'aime, c'est ce rapport à travers le temps. C'est ce que j'ai toujours aimé dans les chansons, dans la musique. Le fait qu'on peut les répéter aussi. Donc, ça m'étonne pas que moi, j'ai pas assez le goût de la scène pour arriver au moment où ça devient une évidence. Ce que j'aime, c'est les enregistrements. Mm-hmm. Et pour ça, on a un exemple célèbre en France, c'est Françoise Hardy, ouais. Tu vois, qui... Ou Gérard Manset. Donc moi, c'est pas que je suis contre la scène, tu comprends, c'est pas une posture. Et des fois, j'ai eu vraiment du plaisir sur scène. Simplement, c'est pas mon but premier. Mmh. Et pour Peppermoon, est-ce que tu sens aussi le fait dont tu parles depuis le premier album jusqu'à celui que tu prépares actuellement? Oui, c'est-à-dire... les trois premiers albums, ils sont vraiment dans une boucle ensemble. Et là, les deux nouveaux, celui qui sort maintenant et celui de l'an prochain, ils forment un binôme. Donc, il y a plus deux époques, on va dire. Okay. Les trois premiers ont été faits dans un même mouvement, presque, ouais, très, ouais. Très rapprochés. Et puis après, volontairement. Parce qu'on était dans une euphorie, parce qu'il y avait des labels pour les sortir, parce qu'il y avait... Voilà. Une sorte de demande. Et puis j'avais quand même la sensation que c'est un truc... que les labels qui sortent des CD, etc. et tout, que ça allait pas durer. Et donc j'étais un petit peu pressé, je me suis dit, faut qu'on fasse vite nos trois albums. Mais on avait les chansons, et puis effectivement, il y a un public qui les achetait, etc. Donc, mais je me suis dit, on passe à l'orange là, c'est un monde qui est en train de disparaître. Donc il faut quand même le faire maintenant, faut pas le faire dans 10 ans. C'est impossible de ne pas t'aimer. C'est impossible de ne pas, papa, papa. Dans ton lit défait, et nous voilà dans de beaux draps. Qu'allons-nous faire de ce bel été et de cet amour en éclat. La la la la. Toi Parisien, bien libéré, et ma guitare passait par là. Le crépuscule fait des promesses à la lueur des bougies blanches. Fraîcheur aux fleurs, légère ivresse. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.